connaître cette saveur-là, il va s'en instruire, puis il va t'autoriser à le laisser s'exprimer aussi. Oui. Il va te faire confiance, finalement. Oui, ça, ça prend quelques années, là, mais... des fois, quelques années. Alors, ça veut dire qu'en parlant, ce qui se passe, la mécanique de ça, c'est qu'en parlant, mais parler, pas répéter des pensées qui viennent, mais en parlant, ça crée le vide, c'est-à-dire pas un vide, mais... la pensée est remplacée par les paroles qui sont dites. Oui. Bon. Maintenant, ce qui va arriver au départ, c'est que tu vas avoir autant d'astral qui parle que de supramental qui parle. Et c'est pourquoi l'ajusteur de pensée va commencer, là, être plus opérationnel, il va commencer à filtrer. Il va filtrer en te faisant prendre conscience, par exemple, que ce que tu viens de dire, c'est pas ça que tu voulais dire. Alors, tu viens pour dire quelque chose, ça m'évite. C'est pas ça que je veux dire. Mais, bon, là, tu peux te mettre dans les conscients. Après ça, tu vas commencer à le dire en quelques mots faux là-dedans, puis, mais tu vas les corriger tout de suite. Puis, à un moment donné, tu vas même aller, mettons, tu viens pour répondre non, mais toi, tu veux répondre oui, puis tu viens pour répondre non, puis ça fait oui. Bon, l'ajusteur va devenir suffisamment efficace, tu vas être capable de le corriger avant même maintenant que tu le dis. Mais ça, c'est des étapes, là. Mais au départ, c'est de prendre conscience que, bon, hey, c'est-tu grave, maudit, il est en retard. Oh, puis finalement, écoute bien, on a qu'à relaxer, puis à vivre un peu. L'ajusteur commence à fonctionner. Mais là, il commence à te replacer dans la réalité. Mais tu dis un ajusteur de pensée, et pourquoi ne pas dire un ajusteur de parole? Non, mais l'ajusteur de l'énergie supramentale. Parce qu'il n'ajuste pas l'énergie, il ajuste les mécaniques de pensée dans l'homme. Non, mais parce que ce qui finalement dit, c'est ce qui vient. Oui, mais ce qui arrive simplement, c'est que c'est la pensée qui s'exprime, puis l'ajusteur, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il vient, il regarde la pensée s'en aller, parce qu'au départ, l'humain est uniquement un être de pensée, un être de mémoire. L'ajusteur, ce qu'il fait, c'est qu'à travers le flux de paroles de pensée que tu vas sortir, il vient ajuster, il vient intercaler des mécaniques d'intelligence dedans au départ. Okay. Donc, il ajuste réellement la pensée. Dans ce que tu dis, c'est correct. Quand une personne est rendue, comme dans mon cas, moi, je n'ai pas d'ajusteur de pensée. Il fait longtemps qu'ils sont digérés. Non, mais je dis ça, c'est pas, je veux pas changer les mots, c'est rien que je voulais comprendre. Non, c'est ça, mais dans mon cas, donc, j'ai plus besoin. Là, tu aurais raison, mais là, il ne sert plus non plus. Tu n'ajustes pas l'intelligence, puis j'ai plus suffisamment de pensée pour avoir besoin d'avoir un ajustement. Finalement, okay, c'est parce que ça place les pensées, là. Okay. Mais ça, tu penses rouge, là, puis ça te dit, crème, c'est pas rouge. Mais qu'est-ce que ça prend, là? C'est quoi? Qu'est-ce qui détermine l'arrivée de l'énergie supramentale? Bon. Est-ce qu'il y a un état? Parce que là, tu dis quoi faire? Bon, parler, ouais. Ça, c'est une chose à faire. Mais il y a un état. Oui, il y a un état. Parce que là, Annie disait que, par exemple, elle pensait qu'il fallait être un égoïste. En tout cas, travailler l'ego, être sans... Avec ça l'aide à pas souffrir d'être en contact. Le fait d'être un égoïste. Mm-hmm. Le fait de ne pas avoir d'ego. Mais ça aide à avoir un contact qui est beaucoup moins coloré. Mm-hmm. Quelqu'un qui a un contact, là... La majorité des gens ici ont eu des contacts, ils ne savent pas certains parce que... Mais comment vas-tu souffrir de ça si tu ne sais pas? C'est quand tu commences à te rendre compte, par exemple, que l'amour n'existe pas. C'est un contact de conscience. OK, une prise de conscience. Mais si tu as de l'ego, là, oui, mais une prise de conscience, c'est quand tu as un petit contact un peu plus gros. C'est une étincelle, là. Pour l'humain, souvent, c'est une grosse affaire. Parce qu'une prise de conscience, ça, c'est pas une pensée. Quand tu réalises quelque chose pour de vrai, là. Oui, parce que tu ne peux pas penser. Subitement, paf, c'est clair. Ça, c'est idiot. Ça, c'est épais. Ou encore, qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Ça fait 20 ans que je m'engueule avec mon conjoint. Et puis, subitement, tu en prends conscience, une conscience. Ça, c'est de l'intelligence qui vient de descendre, paf, une petite conscience. Plus tu as d'ego, plus tu vas en souffrir. Mais c'est quoi la différence entre la conscience et l'intelligence? L'intelligence, là, c'est simplement quelque chose qui... La conscience, c'est de l'intelligence exprimée par l'humain. Fait que l'intelligence supramentale, c'est absolument rien sans un être humain. Puis quand ça rentre dans un être humain, là, quand c'est exprimé, là, chez toi, là, ça devient la conscience. Là, tu te conscientises. Parce que quand c'est exprimé... C'est l'intelligence. Quand c'est exprimé, c'est compris par le véhicule, par ce qui habite le corps, là. C'est pas tout à fait vrai, disons, je ne vais pas compliquer non plus, mais c'est pas compris. Si c'est exprimé, ça veut dire que ton véhicule planétaire, tes véhicules planétaires, le plan mental, astral, vital et physique, est maintenant rendu à un niveau vibratoire où il peut laisser passer d'une façon plus transparente de l'intelligence. Mm-hmm. Mais l'intelligence, tu dis, s'il n'y a pas d'humain, elle n'existe pas. Non. Donc, elle est nulle part. Elle sert à rien. Ben, elle ne peut pas s'exprimer, c'est ça. On s'en fout. Non, mais qu'est-ce que... Le plan supramental... Non, mais ça, je n'ai rien à faire, ça, là. Si on n'est pas là, je ne veux pas savoir ce qui se passe. C'est pas bon. C'est bon. L'intelligence sert à rien sans l'homme. Mais c'est quoi l'homme? C'est une autre conférence. Prenons l'exemple du Nazaréen qui, à un moment donné, rencontre des mecs comme Barabbas. Puis Barabbas, il demande d'être le roi de la première guerriera, le roi des Zélotes. Se battre contre les Juifs, puis Jésus lui dit, écoute, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, puis tu dois pardonner à tes ennemis. Tu sais, il fallait pas être dans la réalité planétaire pour dire ça. Un peu spirituel. C'était un peu supramental. Mm-hmm. Et, ben c'est ça, le Nazarien était fait de façon qu'on a contact avec son intelligence, donc avec l'énergie supramentale, l'énergie christique, etc., l'Esprit Saint. L'être humain qui est en contact direct, lui, est un égoïque. L'être humain qui est en contact avec intelligence va amener une réponse absolue dans le monde. Et là, effectivement, la réponse absolue peut-elle être utilisée immédiatement, pas nécessairement. C'est pourquoi, à l'époque du Nazaréen, c'était compliqué. Il y a eu d'autres personnes qui ont eu des contacts supramentaux à travers le temps, il y en a plusieurs, qui ont eu des contacts plus instructifs, c'est-à-dire qui ont écrit ou qui ont instruit les gens. Vers le début du 21e siècle, fin 20e siècle, il y a suffisamment d'individus, grâce à l'expérience planétaire et à l'évolution des génétiques corporelles, qui sont maintenant capables d'avoir de contact supramental, puis être capables de l'ajuster suffisamment pour instruire leur ajusteur de pensée, de façon à ce que l'information supramentale soit utilisable sur la planète. Ce qui n'a pas été le cas du Mahatma Gandhi, ce qui n'a pas été le cas du Nazaréen, ce qui n'a pas été le cas de Siddhartha Gautama, ce qui n'a pas été le cas d'un paquet d'autres. Mais eux ont tous souffert d'avoir un contact supramental. Mais pour que ce soit plus utilisable, l'intelligence supramentale, est-ce qu'il faut nécessairement commencer à avoir des contacts avec le plan qui vient au-dessus? Bien, une chose certaine, c'est que pour utiliser, pour avoir un contact supramental, je reviens à la question de Michel tout à l'heure, c'est quoi, quelle est la situation corporelle ou dans quel état on doit être pour avoir un contact supramental? Le gros problème de l'humain, c'est que présentement, tel qu'il est constitué, il y a à peu près juste l'extrême souffrance qui l'amène à avoir un contact avec les plans supramentaux. Mais pourquoi? C'est très long à expliquer, mais présentement, il faut constater ça. Moi, je ne suis pas pour, mais c'est comme ça. L'état majeur par lequel l'humain parvient à un contact supramental, c'est la détresse psychologique complète s'il ne se suicide pas. C'est les grandes maladies, c'est les grandes guerres, c'est les grandes famines, c'est les grandes souffrances. Quand l'humain est en grande souffrance, l'humain subitement découvre Dieu. Et ça, c'est pas vrai. Quand l'humain est en grande souffrance, quand l'humain est écœuré, puis quand l'humain est écœuré d'être écœuré, à un moment donné, l'humain entre en contact avec la réalité. Là, il remet tout en question parce que là, il prend conscience, il se conscientise. À un moment donné, il va se dire, là, la maudite guerre qu'on fait depuis 45 ans pour avoir la tour là-bas qui est toute détruite maintenant, là, si on arrêtait ça. Puis là, finalement, il y a un paquet de monde qui subitement prennent conscience. Puis là, on en a tellement ras-le-bol que là, on est prêt pour la paix. Les grandes maladies, ça va être la même chose. Tu travailles, tu t'excites, tu t'énerves, tu gueules, tu prends un autre, paf, crise de cœur. Là, on te ranime, t'es à l'hôpital, puis là, tu te dis, frère, peut-être je relaxe, mais ça fait des années qu'on te le dit, des années. Bon, là, maintenant, tu prends conscience. Le problème de l'ego humain, c'est que la mémoire prend le dessus rapidement, puis il peut s'en lancer tout de suite. Mais dans le langage populaire, c'est souvent dit, de quelqu'un, on dit, comment ça qu'il ne comprend pas? L'autre va répondre, ben il n'a pas payé assez cher, ou ben non, il n'a pas encore assez souffert. Bon, mais ça, puis tout le monde, c'est connu, mais ça, peut-être bien quand c'est dit, c'est pas su, mais c'est comme... Ben. Tout à l'heure, on parlait d'ajusteur de pensée, que dans le langage populaire, il y a des choses extraordinairement justes qui sont dites, même si l'humain ne sait pas ce qu'il dit. Bon, et c'est la même chose là. Par exemple, on va dire, on éduque un jeune, une jeune, mais là, elle ne comprend pas, tu sais, puis ça fait 20 fois que j'y explique. C'est une question de conscience. Explique-y 45 000 fois, elle ne pourra pas comprendre plus. La compréhension ne vient pas de la répétition. L'apprentissage vient de la répétition. Autrement dit, si votre enfant est un enfant savant, autrement dit, pas intelligent du tout, bien, à un moment donné, il ne saura pas pourquoi il fait, mais il va le faire. Pour être bien vu, pour avoir une petite récompense, pour fuir les punitions, comme un chien savant. Ça fait partie du mode de l'éducation qu'on a à peu près partout sur la planète. Mais si l'enfant est moindrement intelligent, bien là, tu auras beau y expliquer, c'est pas la vraie compréhension va apparaître uniquement s'il conscientise ce que tu veux dire. Alors, s'il ne sait pas qu'est-ce que c'est que de respecter autrui dans sa conscience, tu auras beau y expliquer 40 fois, tout ce qu'il va se dire, c'est que c'était maudit problème. Puis au niveau de la conscience, bien, il a raison. Comme un parent qui s'inquiète parce qu'un enfant rentre trop tard, puis qui dit « tu m'inquiètes quand tu arrives à cette heure-là, tu le sais », bien, un enfant qui est intelligent va dire « écoute, si je t'inquiète tant que ça, c'est une thérapie. » Bon. Cet enfant-là a raison. Au niveau d'intelligence. Bon. Maintenant, l'enfant doit apprendre à devenir écologique à travers son système, puis c'est la compréhension par l'apprentissage, la répétition ne fonctionne pas. C'est pourquoi on va dire, justement, lui, c'est drôle, il fait 35 fois que j'y répète, il ne comprend pas, il n'a pas assez souffert, il n'a pas payé le prix. C'est que l'humain devient conscient s'il souffre énormément. C'est ça, mais la démarche de la souffrance... Il y a moyen de changer ça. Oui, mais la démarche de la souffrance, à un moment donné, apporte un plafonnement. Oui, mais non, mais en plus. Les gens plafonnent à un moment donné. Non, parce que c'est vénéré. C'est ce qu'ils vont dire. Une chance que je me suis cassé la jambe. Une chance que j'ai perdu mes deux bras. Une chance que j'ai eu cet accident-là, parce que je n'avais pas compris. Ben oui, mais c'est grâce à la maladie. Oui, mais ils plafonnent parce qu'à un moment donné. Ils plafonnent 30 secondes. Après ça, ils reviennent. Puis après ça, ils souffrent. Puis ils recommencent à. Oui, mais c'est à force de souffrir, tu meurs. C'est évident. Non, mais c'est pas grave. Tu deviens un élu. Non, mais la mort. Spiritoire. Mais la mort, c'est le plafonnement ultime. Non, non, on te regaroche sur la planète Terre assez rapidement, tu te réincarnes à travers un paquet de corps, tu recommences avec tes couches, puis tu réapprends, puis tu continues à t'en aller. C'est sûr que c'est pas esthétique, la mort. Non, mais ça ralentit, ça manque de savoir-vivre, de toute façon. Oui. De toute façon, on s'arrange pour nous faire oublier la souffrance. Puis quand on l'oublie, on a eu un petit bout de bonheur, bien là, whoop, après la souffrance, on est capable d'en prendre, puis ça finit plus. Première fois, mesdames, j'ai mis les souliers talons hauts. Vous en rappelez-vous? Ça y allait par là. Ça fait mal de mettre des souliers à talons hauts. Mais au bout de 50 ans, peut-être tes pieds ont toujours aussi mal. On est habitué à la douleur. Mmh. La cigarette, c'est la même chose. Il y en a qui ont pris une cigarette, un cigare, une pipe, et à un moment donné, ils sont carrément étouffés que ça. On s'adapte. N'importe quelle souffrance, l'humain a une faculté d'adaptation qui est phénoménale. Ça fait rire tous les extraterrestres qui nous observent. L'humain s'adapte à n'importe quoi. Donne-lui du bonheur, et m'en est adapté. Donne-lui du malheur, et m'en est adapté. Faut s'y en donner plus. Mais non, faut que tu changes. Oui, mais là, ça fait dire que, ben, de toute façon, prends le temps de t'adapter, puis ça va être correct, tu sais. Il n'y a rien là. Mais comme la planète Terre est en évolution sans cesse, à un moment donné, on vient encore te fracasser avec une nouveauté. Juste le neuf, ça fait souffrir l'humain. Ce qui fait que l'humain souffre, l'humain souffrant s'écœure, il faut que la souffrance soit assez terrible pour être capable d'amener l'humain à l'écœurement de l'écœurement avant que l'humain s'adapte à la souffrance. Puis quand l'humain arrive à l'écœurement de l'écœurement, pouf, il est en contact avec l'intelligence. Mais ça va plus vite, il devient heureux. C'est bien évident, mais qui veut être heureux? Moi. Une partie. Ben, c'est toujours bien ça. Non, je crois. C'est pas le contraire. Mais si tu veux être heureuse, réellement, toi... Mais tout le monde est heureux. Non. C'est pas tout le monde qui le savent. Non, tout le monde a appris que c'était de bonne loi que de vouloir être heureux. Être heureux. Mais pas tout le monde veut être mal. Ben oui, non. Ben regarde-la aller. Mais ils savent pas d'autre chose. Mais c'est pas nous autres qui pensent, donc... On est pris là-dedans. C'est évident, ça. Mais ça revient au même. Qui veut être... Voulez-vous être heureux? Heureux. Oui, ou non? On fait que vous dire que vous êtes laid, puis laide, là, je vous plante au bout. Si vous voudriez vraiment être heureux, bien être heureuse, vous voulez vous prendre au sérieux, là, vous agiriez sérieusement. Non, mais c'est ça le problème, c'est... Ah, mais qui veut être réellement heureux? On veut, mais on peut... Moi, je veux être heureux, mais être heureux seulement comme avoir suffisamment d'argent en banque pour être sécurisé. Non, mais il y a une différence. Tu peux pas être heureux, tu veux être heureux de l'argent. Non, mais il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Moi, c'est ça, mais les gens, ils veulent pas être heureux, pas honnêtement. Okay. Il y a une partie de l'humain qui est intelligent. Les personnes sont intelligentes. Il y a une partie de l'humain qui est intelligent, qui, elle, se dit que c'est absolument inesthétique que de vivre dans la merde. Bon, le bonheur n'arrange rien, mais il rend confortable en maudit l'existence planétaire. Fait qu'on va aller chercher le bonheur, on va aller chercher de l'amitié transparente, de la simplicité de vie, on va essayer de s'en faire. L'intelligence, c'est. Mais l'humain, c'est pas ça qu'il veut, l'humain. L'humain, il conduit son automobile, puis il coupe le voisin, puis il y a l'instruit. Okay, l'humain veut. Okay. Non, j'avoue qu'il y en a. Non, mais non, il y en a, certains. Non, mais que... probablement, c'est ça, c'est que l'humain veut plus avoir la paix que d'être heureux. L'humain, il veut avoir la paix, mais en plus, il faut qu'il soit meilleur que l'autre. Mais il y en a qui veulent chialer. Non, mais quand je parle d'avoir la paix, ça veut dire achalez-moi pas. Ah, c'est même pas vrai. Il y en a, achalez-moi pas, écoute-moi, il s'ennuie, il va faire une vidéo, il va achaler l'autre. Non, c'est vrai. Il y en a qui veulent se mêler des affaires des autres. Ben oui, non, il fait des conquêtes, puis il m'a donné lui-même. Oui, mais non, les histoires sont pas conséquentielles. Aller que les autres, c'est pas de problème. Si tu te rappelles pas, c'est que tu vois une jolie fille passer devant toi, là, puis tu tombes en amour avec elle. Si tu veux être heureux, là, laisse-la aller. Reste avec ta femme. Ah, ben oui, mais là, moi, c'est ça. Non, l'humain, il veut pas être heureux. Ben, il veut avoir du plaisir. Même pas. L'humain, tout ce qu'il veut, là, c'est avoir des stimulations dans sa vie pour continuer à prendre conscience qu'il existe. C'est ça qu'il veut, l'humain. Parce que si le bonheur devient lancinant et pénible, l'humain va mettre le feu dans sa maison. L'humain, tout ce qu'il a besoin, là, c'est d'avoir des stimulations dans sa vie. Tu faisais qu'une stimulation souffrante ou plaisante, ça n'a pas d'importance en tant qu'une stimulation. L'humain veut être heureux ce soir, il s'en va louer un film d'horreur d'Alfred Hitchcock, il met ça dans son vidéo. L'humain veut être heureux. Là, ça se mange, le nez se farache les yeux, et il va se coucher de l'hiver avec ça. L'humain veut des stimulations dans sa vie. L'humain, ça va au Parc Belmont, des machines, on est à l'envers, puis c'est frappeur, puis ce qu'il espère, c'est que ça ne construit pas. Ils vont faire du boogie, l'humain, le suicide en espérant que ça ne marchera pas. Mais il veut des stimulations, il veut pas être heureux. C'est quoi le bonheur, là, ça, je t'en bats d'un tour? Tu es heureux en maudit, vling, vling, vling, vling, vling, des fois, c'est pas. Non, mais l'humain veut être heureux, comptez-moi des pipes. Mais l'humain veut être stimulé. Non, mais plus. L'humain veut être étonné. Mais plus il se conscientise, puis ça c'est vrai qu'on remarque ça, puis plus il veut avoir la paix. Ah oui, l'humain. Donc c'est le début de vouloir être heureux, ça. C'est même plus être heureux. Ben tu vois, c'est bien plus puissant de vouloir avoir la paix que de vouloir être heureux. Non, mais c'est un stade avant. Non, le bonheur, ça n'existe pas. C'est une lubie. Le bonheur, c'est une recherche. Mais avoir la paix, c'est autre chose. Et avoir la paix, c'est nécessairement, ça procède de l'intelligence. Avoir la paix, ça veut dire que tu ne veux plus avoir de problème. Mm-hmm. Tu sais? En vous et moi, là, on n'a pas assez de problèmes comme ça, là. Hein, juste à pas savoir où est-ce que va notre foutue galaxie. Hey, c'est vrai, on ne sait même pas où ça va. On va se demander s'il va pleuvoir demain. Il y en a qui ne se faisaient pas de problème avec ça, par exemple. Tu viens de le recréer un, Tu viens de le recréer un. Ils ne savaient pas où aller. Et juste, regardez. On a une technologie parfaite sur la planète Terre pour que tous les humains puissent physiquement vivre convenablement, manger convenablement, être instruits convenablement, accoucher convenablement, rire, s'amuser, puis comprendre. Pas un humain qui peut être oublié. On est équipé en maudit aujourd'hui. L'humain va être heureux. Ouais, ça, je comprends pas ça, par exemple. Ben, parce que l'humain ne va pas être heureux. Mais c'est pas là, je parle pas de l'intelligence dans l'être humain. Comme là, ce soir, on se réchauffe un peu. C'est évident, si je te demande... Toi, là, si tu es esthétique d'être bien, tu vas me dire oui. Mais après ça, dans ta vie, tu as continué à agir. Ah, je me dis ça, oui. Mais OK, il y a certaines choses que je fais, je ne devrais pas faire, mais je me le dis souvent, ça, que c'est pas rien que je suis souvent... Il y a un niveau de conscientisation, mais puis là, on parle de l'humain. L'humain va être heureux. L'humain va être stimulé. Quand l'humain va cesser de vouloir être stimulé, de vouloir être occupé, donc la recherche de la pensée, de vouloir être distrait, parce que l'humain recherche la distraction pour se lire, là, on va commencer à parler réellement d'être qui veulent quelque chose. Mais ça, là, ça part du fait que finalement, l'humain, tantôt on parlait de la pensée. La pensée, tout ça, c'est mort. Alors, tout ce qui l'habite, mort c'est mort. Sens que c'est mémoriel. Dans le sens que c'est mémoriel. Alors, ces stimulations-là, ils donnent une espèce de semblant de vivant plutôt que d'avoir de l'intelligence qui, ça, c'est instantané et c'est donc vivant. Mais juste parler de simplicité, comment c'est tellement simple, les choses, ça, c'est tellement simple, comment ça peut être simple? Tu ne peux pas avoir, on prend encore un exemple extrêmement banal, les relations sexuelles, par exemple. Il n'y a rien de plus simple que ça. Mais là, les relations sexuelles, bon, il ne faut pas que ta femme ait des relations sexuelles avec un autre que toi. Il ne faut pas que ton mari ait des relations sexuelles avec un autre que toi. Les relations sexuelles, apparemment, c'est bon pour les adultes. Bon, là, il y a des films de fesses. Ah, ça stimule. Et quand un jeune de 17 ans loue ça, c'est pas correct. Pourquoi c'est pas bon pour lui? Il y a 12 ans, puis il y a 8 ans. Pourquoi c'est pas bon? Puis à 18 ans, paf, ça devient bon, tu sais. Faut savoir ça, c'est compliqué à vivre en tabarnouche, tu sais, on aime ça maudit. Puis là, qu'est-ce que ça change que ton mari ait des relations sexuelles avec un autre s'il n'y a pas des maladies? Qu'est-ce que ça change? Non, ça change rien, c'est vrai. Ça change rien. Mais on va tuer, on va mettre en prison, on va faire perdre des emplois, ça dépend des religions, des nations et des temps. Mais tout le temps, on a limité là-dedans. Tout le temps, sauf en Polynésie. Bon. Quand continuons. Le corps physique, les gens ont peur de le montrer. C'est ce compliqué la vie en ce moment. Quand tu penses que tu te déshabilles d'une cabine, tu te rhabilles, tu te mets tes maillots, là tu vas te mouiller. Puis quand tu reviens, tu te déshabilles encore, puis tu sors ton foutu maillot mouillé, que tu sais pas où mettre. Fais sécher. C'est pas de la complication. Là, je parle pas moi des femmes qui. Ils ont un gros maillot. Dans le passé, ben, t'as des mitaines puis t'étais tout nu, tu sais. T'avais le beignet avec ça partait des cheveux, ça montait jusqu'en haut. Il y a énormément, si on regarde tous ces phénomènes-là, si on regarde juste les religions, par exemple, il y a des religions où la femme doit avoir le visage couvert. D'autres religions, quand on rentre à l'église, par exemple, la femme garde son chapeau, l'homme de l'autre. D'autres religions, où en permanence, les hommes ont un chapeau sur la capoche. Dieu a besoin de ça? Tu sais, vous n'avez pas créé qu'un chapeau? C'est une erreur. C'est un oubli. C'est un oubli. Bon. Mais tout ça, c'est pas être en contact avec son intelligence que d'agir comme ça. Mais non, c'est d'être stimulé. Tu as besoin de pouvoir... je parle de l'humain. L'humain est manipulé, charrié, on sait. Mais l'humain a besoin consciemment, présentement, puis il faut que l'humain sorte de ça. L'humain a besoin d'être dans un contexte où il peut être puni. Ça stimule. Fait que là, tu vas faire des petites cochonneries, puis quand t'en as trop fait, tu t'en vas, t'es stimulé. Là, tu vas à l'église, on te pardonne, là, tu sors dehors, t'es bien. OK, c'est... Et quand ça fait un bout de temps que t'es bien, bien là, écoute... OK, ça met de la vie. Là, tu sors, ben oui. Ça, il se passe quelque chose. Stimuler, l'humain recherche la stimulation. Quand l'humain va cesser de rechercher la stimulation, ce soir, il n'y a rien de bon à la télévision, il n'y a rien de bon nulle part, vous êtes tout seul chez vous avec vous-même. Êtes-vous assez intéressant pour sa soirée? Souvent, non. On va appeler un autre plate, puis à deux ensemble, on va devenir plus. L'humain a besoin de stimulation. Mais pourquoi entre le temps où il y a besoin de stimulation puis qui transite vers être plus intelligent, il y a une espèce de temps où il y a du vide, vraiment, là, il y a pas de vide. Le collectif s'arrange pour essayer de convaincre les gens qui se conscientisent que ce qui se conscientise, pas ça. Moi, je dis, il y a un vide, c'est plat. Ben oui, il y a un vide, c'est plat. Ça, c'est une question d'ego, ça, là. Non, mais c'est pour lui, oui, je sais. C'est qu'il y a, c'est qu'après ça, la personne se sent plus vive. Ah ouais, le vide, c'est plat, là. Non, j'ai pas dit, je peux pas savoir, je disais, le vide se plate. C'est que l'ego est plus nourri des mêmes stimulations, alors lui, il est en manque, là. Bon, puis ça correspond à la période mentalisée, hyper mentalisée. De sevrage, de la drogue, de la pensée. Fait qu'il faut que cette phase-là se passe. Ben, c'est préférable. Mais il pourrait pas tout de suite penser de la... Non! Puis oui! Mais ça sert à rien de parler comme ça. Ça se pourrait pas à la place que tout le monde soit heureux tout de suite, là, paf! Ben, c'est une bonne question, ça. Ben, oui, la réponse, c'est oui, ça se pourrait. Non! Oui, mais... C'est un autre. Non, mais tout à l'heure, tu disais que non, que l'humain était déterminé, ben, l'évolution humaine était pris pour évoluer dans la souffrance. Oui, puis moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un autre moyen d'être en contact avec son intelligence. Il y a vraiment un autre moyen de parvenir à la conscience, à vivre, à se rendre compte, sans passer par la souffrance, donc sans passer par l'expérience. Pavlov a dit que l'humain apprenait comme les animaux par essai et erreur. Tu casses le nez, tu réessayes, tu casses le nez, tu réessayes, tu deviens sage. T'es un éplat, mais t'es sage. T'es bon. Et puis après ça, tu t'enseignes ça aux autres, puis à travers la sagesse communicative, par l'instruction, et l'homme bâtissant la base de sa vie sur le sommet de celle des autres, on finit par avoir moins de problématiques. On se casse moins le nez sur les meubles, mais on continue encore à saillir. Bon. Mais c'est certain qu'il peut y avoir une formation. Toi, tu peux former. Il y a d'autres personnes qui peuvent former. Mais je suis convaincu que ce que tu dis à propos de la souffrance, que c'est vrai, puis il y en a qui s'en sortiront jamais. Ils partent tellement de loin. Ils vont s'en sortir, mais il faut leur laisser encore quelques vies de souffrance. Ben c'est ça. Le problème, c'est que l'humain, c'est un être qui aime partager. Fait que là, il va voir que partager sa souffrance. Fait que tout est en paix chez vous, puis l'autre, ben, il arrive avec son gros pitbull, là, puis il mange son chat. Ah, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, t'es en paix, mais t'es plus chat. Mais c'est ça, là, c'est faut-tu s'acheter un pitbull? Tu sais, non, mais c'est vrai. Je vais t'acheter une piège à ours. Ça fait partie ça, des périodes de transition. Présentement, nous approchons d'une période majeure de transition. Puis c'est pourquoi l'astral, d'ailleurs, toutes les mémoires essaient de se réincarner actuellement à l'échelle planétaire pour empêcher majoritairement les gens qui ont tendance à devenir conscients d'être conscients. Vous savez, c'est très, très, très, très mal vu que vous disiez à un partenaire avec qui vous travaillez, écoute, arrête donc de crier, là, puis relaxe donc un petit peu. Vidons, là. Ah, ben là, je vais l'insulter bien raide. Non, mais on l'insulte parce qu'il sait, dans le fond. Je sais, tous les humains savent. Puis là, il est frustré de se faire dire des choses qui sont vraies. Quelqu'un me trouve bon, là. C'est quelqu'un, c'est simplement parce que j'arrive à mettre des mots sur ce qu'il sait déjà. Hey, là, tu le savais déjà. Mais j'ai dit, moi, j'arrive à mettre des mots sur ce que tu savais. Donc, ton ego peut l'utiliser. Bon, mais je m'en vais dire ça, moi, là. Il y a des choses que je peux amener comme solution au problème de l'humain actuellement, que si je le dis, ça va absolument rien donner. L'humain n'est pas encore rendu à cette conscience-là. Mais Christy, c'est tellement banal. Régler le problème. Mais c'est impossible à faire. Parce que l'humain veut trop souffrir. Mais l'humain qui se conscientise, c'est évident qu'il doit cesser de souffrir. Mais pour cesser de souffrir, il faut qu'il abandonne tout ce qui fait souffrir. Tu peux abandonner tout ce qui fait souffrir? Ben, c'est ça. Ça a l'air que non. C'est ça, ça répond pas. Non, mais ça a l'air que ça non. Ça répond. C'est sûr, ça répond, mais c'est ça. Êtes-vous prêt à abandonner tout ce qui vous fait souffrir? Vous fuyez comme du monde, allez vous rendre compte qu'on veut pas. C'est pas vous! Intelligemment, vous pouvez répondre oui. Mais si vous vous observez, vous allez vous rendre compte qu'il y a un paquet d'affaires en dedans qui ne sont pas tout à fait d'accord. Ça veut dire que ton mari laisse-le libre. Tu ne souffriras plus. Tes enfants, laisse-les libres. Tu ne souffriras plus. Ton emploi, laisse-le libre. Tu ne souffriras plus. Ton corps, laisse-le libre. Tu ne souffriras plus. On appelle ça se détacher. Et quand tu es intelligent, tu te détaches sans t'en foutre. Fait que si à un moment donné, tu as un de tes enfants qui meurt, tu n'en souffres pas. Pas grave. Tu es déjà détaché. Il faut que tu sois libre. Il faut que tu veuilles te débarrasser, que tu es détaché de ça. Si ton enfant, à un moment donné, sort avec une personne d'une ethnie que tu n'aimes pas, tu peux pas ne pas l'aimer si tu es détaché. Faut que tu sois prêt à abandonner tout ce qui n'est pas correct. Puis ça, l'humain n'est pas organisé pour ça présentement, parce que l'humain se nourrit autant de la souffrance que du bonheur. Juste pour vous dire, cessez de manger ce qui est mauvais pour votre santé. Vous allez voir comment ça pense dans votre tête. Mais c'est ça, mais c'est comme ça. Vous allez passer devant un dépanneur, puis vous allez voir qu'il y a des particules là-dedans là, qui ont bien gros besoin de. Puis là, ça va commencer à rationaliser. Ouais, mais tu sais, ça fait une semaine, il n'a pas pris, il peut bien aller apprendre un peu là. C'est comme un coup de marteau sur la tête, une semaine, il n'a pas eu de douleur. Ça a même autant à faire, on le sent moins, là. Mais c'est ça, mais ça, ouais, mais ça, c'est pas nous autres, puis c'est nous autres. Non, c'est pas nous autres. Non, c'est pas nous autres. Non. On en paye le prix. Ben, c'est ça qui marche pas. Ben, c'est ça qui marche pas. Au minimum, il faut qu'on parle de principe. C'est qu'on est deux dans le même corps. Cesse de punir. T'es un parent, t'es un conjoint, cesse de chioler puis de punir. Il faut comprendre que l'humain est manipulé. Puis l'intelligence, moi, l'affaire là-dedans, c'est que... Mais l'affaire là-dedans, si tu dis l'intelligence, c'est intelligente que ça. Pourquoi règle pas tout ça d'un coup? Non, ben c'est ça. Je la trouve pas si intelligente que ça. Des grands bouts. Hein. Hey, Pauline, j'ai beau comme toi. Non, mais... Tu peux pas tout faire de même. Non, mais c'est pas personnalisé, l'intelligence. L'intelligence supramentale, l'énergie supramentale, c'est omniscient, hein? C'est omniprésent, et ce n'est pas omnipotent. Bon, ça veut dire quoi? Ouais, omniscient, non? Ça veut dire omniscient, ça sait tout. Omniprésent, c'est présent partout. Ce n'est pas omnipotent, ça ne peut pour tout. C'est pas parce que c'est intelligent que ça peut tout. Moi, je suis intelligent, là, demande-moi pas de lever un bulldozer sur le bout de ma main. Je suis intelligent, mais je peux pas lever un bulldozer sur le bout de ma main. L'intelligence, quand elle descend à ton niveau à toi, elle parle à ton niveau à toi. Donc, quand elle descend au niveau de celui qui veut violer, tuer ou voler, elle parle à ce niveau-là. Et à un moment donné, la personne va souffrir tellement qu'elle va être dans une crise telle qu'elle est presque prête de mourir, de se suicider, d'éclater, de se détruire, que l'astral sortir pour la lâcher avant qu'elle meure. Tout ce qui reste, c'est l'intelligence. Et là, elle prend conscience de la souffrance. C'est sûr qu'il y a des mécaniques pour arriver à évoluer sans souffrir. On en parlera à un moment donné, plus de temps, les heures passent trop vite ici. La terre tourne trop vite, hein? Ça tourne plus longtemps, des heures plus longues. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne fin de semaine tout le monde.